Salut à tous, c'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio en ouverture. Ce classique de Biohazard, extrait de l'album State of the World Address par Biohazard, c'était le morceau Failed Territory avec son intro assez inhabituel pour un Biohazard qui nous devrait sortir son dernier album dans les prochains mois. Donc restez bien au courant de l'actualité. Il est 9h40 dans Overdrive, on va continuer avec de la musique qui pulse en ouverture. J'ai décidé de passer l'excellent morceau du nouvel album de Coroner. Coroner, on ne les attendait plus depuis maintenant quasiment 30 ans, ou même peut-être plus que 30 ans. Il me semble que le dernier album était Green, ça devait être paru en 94, quelque chose comme ça. Ils nous reviennent sur Century Media avec un album qui reprend un petit peu les bases de ce qu'était Coroner, bien entendu, avec une production plus moderne et des morceaux peut-être un petit peu plus resserrés d'une certaine façon. En tout cas, les musiciens sont toujours aussi bons et ils nous offrent un trash toujours aussi rafraîchissant. Extrait de leur futur album, ce sera le morceau Symmetry, tout de suite par Coroner, et essayer de profiter de l'excellente nouvelle musique qu'ils nous offrent. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre le dernier album du groupe Coroner. Ils nous reviennent avec ce morceau Symmetry, vraiment excellent. Vraiment un groupe de trash que l'on a pu voir quand même sur la scène des festivals un peu partout depuis maintenant une quinzaine d'années, mais qui nous revient avec un nouveau son studio qui fait plaisir à entendre, une certaine fraîcheur dans le trash. Et puis quel musicien, et tout particulièrement quel guitariste ici, un des tout meilleurs guitaristes de la scène trash qui ait jamais touché une guitare, rien de moins. On revient avec le dernier album du groupe Rage nous revient toujours emmené par ce bon vieux Peavy Wagner avec ce New World Rising du heavy metal allemand Atelier Trashy qu'on envoie tout de suite avec le morceau qui s'appelle Against the Machine sur Overdrive Radio Tour. Yeah. Vous venez d'entendre le groupe Atlantis Resin tout de suite sur Overdrive Radio Duo avec ce dernier album qui vient le jour aujourd'hui même du côté de Frontiers Records. Et on retrouve le chanteur Resin Atlantis, donc avec cet album Power to the Past, avec cet album sur lequel on retrouve le chanteur Frank Beck qui avait notamment épaulé, qui avait épaulé Gamma Ray sur les dernières années de leur carrière. Voilà, on continue avec quelque chose de foncièrement plus rock maintenant, et le groupe Mad Dogs, le morceau It's Not Late Tonight. Il n'est pas encore trop tard pour en mettre un peu de musique et se détendre derrière son tuner. Vous êtes toujours à l'écoute de The Drive Radio Duo. It's a really long way. I Vous venez d'entendre le groupe Sir Daria, Sir Daria sorti sur le label MNO Music avec ce Dark Carousel et le morceau First Believer, sur lequel on retrouverait même presque des intonations à la Hansi Kurtz. Tout de suite dans Overdrive Radio Duo, il est temps de passer au dernier album du groupe Paradise Lost, Paradise Lost, qui nous revient avec son dernier album Ascension. On y retrouve un groupe assez doom dans l'esprit, même si, bien entendu, Nick Holmes fait différents types de voix sur ce dernier album. Et moi, je trouve qu'on a ici plutôt un bon équilibre de tout ce qu'est Paradise Lost, qu'on envoie tout de suite avec son dernier album Ascension. Ils seront du côté du Transborder de Lyon très prochainement, donc ça devrait être le 19 octobre prochain, en compagnie de Messa, et ce sera le morceau Silence Like the Grave qu'on écoute tout de suite. We'll be right back. Excellent que ce nouveau Paradise Lost. Tout de suite, on va continuer avec le groupe Igor qui nous sort son dernier album dans un style toujours aussi particulier. Ce sera le morceau Blast Beat Falafel pour un certain mélange des genres, comme vous pouvez bien entendu l'apprécier ici dans le titre du morceau. Igor, dernier morceau, ça voit le jour sur Metal Blade. On va écouter ça tout de suite. Encore une fois, Blast Beat Falafel sur Overdrive Radio Duo. Le morceau Blast Beat Falafel tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Il est temps maintenant de passer à Sienna Root qui nous a offert là aussi un dernier album assez différent de ce qu'on vient d'entendre, mais c'est aussi ça, la diversité dans Overdrive. On ne décide pas de passer à un style à l'autre. Tout de suite dans Overdrive Radio Duo, ce sera le morceau Sienna Root avec le morceau Riding Slow tout de suite. We'll be right back. Riding Slow avec cet album de Sienna Roots en concert. On revient maintenant avec le groupe Blood, avec le groupe Arch Enemy qui nous sort sa nouvelle édition de son dernier album Blood Dynasty, et ce sera le morceau qu'ils ont choisi en single de mettre en avant, extrait de ce dernier album récemment. Ce sera le morceau Break the Spell, toujours par Arch Enemy sur Overdrive Radio Duo. Confines of Infinity, enfin plutôt Depraved World par le groupe Barist tout de suite, avant de continuer avec Depraved of Infinity par le groupe Revocation, les Américains de Revocation qui jouent du thrash death metal assez technique et super bien ficelé, nous reviennent avec leur dernier album tout de suite, et c'est encore une fois sur Overdrive Radio Duo. Oh! starke Berührung mit der See, können wir den für uns nötigen, weltumspannenden geistigen Horizont gewinnen. Unsere wirtschaftliche Entwicklung, die in den letzten Jahrzehnten unterstützt von deutschem Fleiß, deutscher Wissenschaft, mit Riesenschritten vorwärts. Doch gehen wir eine in die Kraft vom Gesehmarkt. Doch eher ein solches Star war, das ist festzuhalten, als sie eine Politikgruppe in England zusammen, die auf ihre Fahne schrieb, Germanium et in den Ländern. Seht vor, ein Ruf erschallt im Chor. Seht vor, so spuckt aus jedem Chor. Es ist toller Wehr, als Richtung gemacht. Der folgende Funkspruch ab. Gesichtete Schiffe, deutsche Zerstörer. Fliegt es auf den Funkgerät hören. Es rasseln die Trommeln des Schiffs. Vorbereitet für den Angriff. Effektieren, Feuerlösungsübung. Gefechtsstation, Geschützübertreffer. Sie sehen meinen, wie mein Flank drinnen. Die Grand fliegt noch von Scheers daran. Die Aliens verdammt frische Luft. Weil es fahrt, ich den Himmel da. Seht vor, ein Ruf erschallt im Chor. Der Tod ist recht ins Kagerack. Geschütze fängen von Feindkontakt. Seht vor, so spuckt's auf jedem Chor. Der Zombie in Gefechtsdistanz, vom Stapellauf zum letzten Tanz. Seht vor, ein Ruf erschallt im Chor. Der Tod ist recht ins Kagerack. Geschütze fängen von Feindkontakt. Seht vor, so spuckt's auf jedem Chor. Das Besteck, Klarschiff zum ersten Gefecht. Vous venez d'entendre le groupe Cannon Fever avec Zevor tout de suite sur Overdrive, Radio Duo pour ce groupe déguisé, encore une fois, dans un thème plutôt martial et bien entendu allemand. On va continuer avec le groupe maintenant aussi Lorna Shore qui fait pas mal parler de lui ces derniers temps pour les amateurs de metalcore. Peut-être pas ce que je préfère, néanmoins, encore une fois, on est au vert dans Radio Duo à tous les styles de metal. Prison of Flesh par Lorna Shore sur Overdrive Radio Duo. Thank you. après Lorna Shore pour les amateurs de metalcore, ce ne sera pas vraiment mon cas, mais il en faut encore une fois pour tous les goûts dans Overdrive Radio Duo avec Of Mice and Men et le morceau Troubled Water tout de suite. Se quitter au son de The Answer Lies in The Answer Lies in a Black Void avec ce ciné morbo pour les amateurs de post-metal. On rappelle le www.radiodio.org, on rappelle le www.facebook.com/overdrive-radiodio. On rappelle que le 3 octobre prochain du côté du Fil de Saint-Etienne, vous aurez le groupe Death Awaits en compagnie de 18s, et le lendemain du côté de Montbrison à la salle des fêtes de Montbrison, vous retrouverez le premier concert de Purple Comet avec Ash Twinter, From the Ashes et Ashatan. On se quitte encore une fois au son de The Answer Lies in the Black Void. Merci, ciao, bye bye.